Le positivisme anglais. Livre audio gratuit, une étude philosophique sur Stuart Mill par Hippolyte Taine. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commode. Préface. Lorsque cette étude parut pour la première fois, M. Stuart Mill me fit l'honneur de m'écrire qu'on ne pouvait donner en peu de pages une idée plus exacte et plus complète du contenu de son livre, comme corps de doctrine philosophique. Seulement, ajoutait-il, je crois que vous vous trompez en regardant ce point de vue, comme particulièrement anglais. Il le fut dans la première moitié du XVIIIe siècle à partir de Locke, et jusqu'à la réaction contre Hume. Cette réaction, commencée en Écosse, a revêtu depuis longtemps la forme germanique, et a fini par tout envahir. Quand j'ai écrit mon livre, j'étais à peu près seul de mon opinion. Et bien que ma manière de voir ait trouvé un degré de sympathie auquel je ne m'attendais nullement, on compte encore en Angleterre 20 philosophes, a priori, et spiritualistes, contre chaque partisan de la doctrine de l'expérience. Cette remarque est fort juste. Moi-même j'avais pu la faire, ayant été élevé dans la philosophie écossaise, et parmi les livres de Reid. Ma seule réponse est qu'il y a des philosophes qui ne comptent pas, que tout cela, anglais ou non, spiritualiste ou non, on peut les négliger sans grand dommage. Tous les demi-siècles, et plus ordinairement tous les siècles, ou tous les deux siècles, paraît un homme qui pense. Bacon et Hume en Angleterre, Descartes et Condillac en France, Kant et Hegel en Allemagne, le reste du temps la scène reste vide, et des hommes ordinaires viennent la remplir, offrant au public ce que le public désire, sensualiste ou idéaliste, selon la direction du temps, suffisamment instruit et habile pour tenir le premier rôle, capable de rajeunir les vieux airs exercés dans le répertoire, mais dépourvus de l'invention véritable, simples exécutants qui succèdent aux compositeurs. En ce moment, la scène est vide en Europe. Les Allemands transcrivent ou transposent le vieux matérialisme français. Les Français, par habitude, et dans une demi-somnolence, écoutent avec un air un peu ennuyé et distrait les morceaux de bravoure, les belles phrases éloquentes que l'enseignement public leur répète depuis 30 ans. Dans ce grand silence et parmi ces comparses monotones, voici un maître qui s'avance et qui parle. On n'a rien vu de semblable depuis Hegel. Janvier 1804.